faire ces murs de revoir autour du vin qui en rire, chanter quelqu'un qui s'en va. Pour oublier ses pères, pour bercer un enfant, chanter, pour pouvoir dire je t'aime, et chante tout le temps. En haut des barricades, les pieds et poings liés, devant les fusillades. Autour du vin qui en est, chanter quelqu'un qui s'en va. Georgia, tu connais Alain Souchon? Juste le refrain. Attends, j'ai changé de guitare. J'en ai marre de la distorsion. Ok, George. I must tune my guitar. Oui, c'est ça. On avance, c'est une évidence. Juste le refrain, ok? Donc ça c'est la mineur. Thank you. Non, Mike, je t'entends pas. Could you choose a song if you want? Okay, c'est là. Le jour s'est levé. Ça va trop vite là. Attends, on peut changer celle-là. C'est quoi? 1, 2, 3, 90. Allez, facile, c'est là. Oh merde, j'arrive pas à voter. 90, putain, pourquoi j'arrive plus à voter? C'est une chanson de téléphone. Mais 90. Tiens, j'ai du mal à revenir. Hein. Voilà. Les accords. Do, Fa, Sol. Do, Fa, Sol. C, F, G. C, F, G. Que ce soit je mourrai. Le jour s'est levé, plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve, qu'il fallait s'en aller. Le jour s'est levé. Sur police. Alors là, c'est si mineur, sol, la, mi mineur. Ok. Thank you. time for us. There's no plus, there's no time for us. There's no plus. What is this fate of your dream? It's away from us. Who are changer le BPI là. Putain, il n'arrête pas de... Ça fait combien? Alors, si... Bye. Bye.